20 minutes après, un vieillard qui paraissait âgé de 80 ans, aux cheveux entièrement blancs, le nez rougi par le froid dans une figure pâle et ridée comme celle d'une vieille femme, allant d'un pas traînant, les pieds dans des pantoufles de lisière, le dos voûté, vêtu d'une redingote d'alpaga chauve, ne portant pas de décoration, laissant passer à ses poignets les manches d'un gilet tricoté et la chemise d'un jaune inquiétant, se montra timidement, regarda le fiacre, reconnut Lisbeth et vint à la portière. « Ah, mon cher cousin, dit-elle, dans quel état vous êtes ?»« Élodie prend tout pour elle, dit le baron Hulot. Ces chardins sont des canailles puantes. Allez-vous revenir avec nous ?»« Oh, non, non, dit le vieillard, je voudrais passer en Amérique. Adeline est sur vos traces. »« Ah, si l'on pouvait payer mes dettes !» demanda le baron d'un air défiant, car Samanon me poursuit. « Nous n'avons pas encore payé votre arriéré. Votre fils doit encore 100 000 francs. »« Pauvre garçon !»« Et votre pension ne sera libre que dans 7 à 8 mois.